Chapitre 21e. Au tombeau des califes. Le lendemain matin, il projetait en s'éveillant de prendre le premier train pour Alexandrie. Le courrier de France ne partait que le jour suivant, mais Louis avait hâte de fuir le Caire. Il redoutait quelque lâche faiblesse, une rencontre possible, et qu'il chercherait peut-être malgré lui. « Enfantillage !» pensa-t-il une fois levé. J'aurais traversé à deux reprises, presque sans l'avoir, une ville intéressante entre toutes. Je dispose de 24 heures pour m'en former au moins quelque idée. Ce serait trop bête de perdre cette occasion et d'aller me ronger dans Alexandrie jusqu'à demain soir. Restons. » Il parcourut les quartiers arabes, visita des mosquées, s'efforçant de réagir contre l'accablement moral et physique d'une journée de Khamsin. Ce mortel vent du sud, fléau du beau climat d'Égypte, sévit ce jour-là depuis le matin. L'atmosphère était bouleversée par la vieille lutte mythique de Typhon contre Osiris. L'haleine embrasée du monstre voilait la gloire sereine du dieu solaire, embrumait d'une poussière de sable un ciel qu'elle faisait opaque et pesant. Elle charriait du désert et soufflait sur le Caire cette cendre de fournaise. Des aiguilles de feu pénétraient dans les poumons, dans les cerveaux étreints par un bandeau de plomb brûlant. Toutes les créatures d'Égypte souffraient la passion de leur dieu, flagellées par le démon méridien. Le soir rendit à l'air obscurci la douceur coutumière, aux hommes oppressés l'allègement de la respirer. La pleine lune monta dans le ciel purifié. Tournoël ressortit par une nuit plus claire que n'avait été le jour. Il traversa les palmeraies du jardin de l'Esbiquillé, s'engagea dans la grande artère du Mouski. Toute flamboyante aux lumières du gaz et des lanternes, la rue Franck s'emplissait du grouillement de ce peuple enfantin. Passant bigarré, de toute race et de tout costume, effendi aux élégances prétentieuses, vieillards drapés dans les robes de soie multicolores, femmes empaquetées dans leurs voiles hermétiques d'étoffes noires. Heurtés à chaque instant par les ânes, les chameaux, les outres des porteurs d'eau, l'officier suivait à l'aventure les remous de la foule gesticulante et bourdonnante, où les appels gutturaux de la langue arabe se mêlaient au pépiment des syllabes romaïques. Il musait avec les promeneurs devant les échoppes indigènes, les magasins de clinquants européens, les cuisines en plein vent des rôtisseurs de moutons et des pâtissiers turcs. De guerre lasse, il finit par céder aux instances d'un jeune ânier qui le persécutait. Il se laissa hisser sur le bas à bossage rouge d'un bel âne blanc et suivit l'enfant qui courait devant son baudet en criant à tue-tête pour faire ranger la foule indifférente à ses injonctions. Plus clairsemé à mesure qu'ils avançaient, la cohue et les lumières disparurent bientôt derrière eux. À l'extrémité de la longue rue, des maisons basses dormaient dans le silence et la solitude sous la clarté lunaire. Lorsqu'il eut dépassé la dernière de ces maisons, Tournoël ne vit plus devant lui qu'un chaos de monticules pelés, des fondrières, des amas de décombres et d'immondices, la mort subite de la ville dans le désert qui l'enserre de ce côté. Quelques moulins à vent couronnaient les premières crêtes de ces ondulations sablonneuses qui allaient se rattacher plus haut au contrefort du Mokattam. Dans le jour, des vols de gypaètes tournoient sur le domaine où ils trouvent leur répugnante pâture. À cette heure de nuit, nulle forme n'y bougeait. Au sortir du vivant et bruyant Mouski, l'officier pouvait se croire transporté sur les confins d'un Sahara. L'ânier se mit en devoir de faire tourner sa bête. Louis lui enjoignit de continuer. Ce paysage désolé convenait aux pensées qu'il y voulait promener librement. Le petit fellah crut deviner l'intention du monsieur européen. Il fit un signe d'intelligence, repartit, gravit les lacets des sentiers qui zigzaguaient sur les pentes. Perdu dans une songerie vague et triste comme les lieux où il la portait, Tournoël trottinait au hasard derrière son guide. Un cri de l'enfant lui fit relever la tête. Ils avaient atteint l'arête d'un plateau qui formait une sorte de col entre deux vallées. L'ânier étendait la main vers celle qui venait de se découvrir au-dessous d'eux. Il disait en riant « Ton beau calife, very good !» Étrange et belle à miracle, une apparition surgissait à leurs pieds. Si belle dans son recueillement nocturne, si parfaitement autre que les lieux d'où il sortait, le Mouski grouillant et bruyant de tapage humain, la morne steppe de décombres qu'il venait de traverser, si fantastique et si soudaine qu'il fallut à Tournoel quelques instants pour comprendre où il était, ce qu'il voyait. Le mot de l'enfant l'éclaira, c'étaient les tombeaux des califes, l'assemblage unique des plus gracieux bijoux de pierre que des architectes joailliers aient jamais ciselés. Égrenés sur la plaine, ils sortaient de l'écrin de sable dont ils ont la teinte de grisaille jaunâtre, au point qu'on les pourrait croire modelés par le vent du désert avec la poussière ambiante. Mieux que le plein jour, la lumière de la lune découpait chaque relief des mosquées funéraires, coupoles en forme de mitre, dômes cannelés, minarets où une dentelle d'arabesques s'enroule sous les balcons ajourés. Les deux coupoles conjuguées de Sultan Barouk et le minaret élancé de Kite Bey dominaient la cité des tombes charmantes. Délabrées et croulantes pour la plupart, ces merveilles ont la séduction des choses frêles, trop fines pour vivre longtemps et qu'il faut admirer vite parce qu'on les sent qui meurent. Un enchantement de rêve, c'était le seul sentiment qu'éprouva Tournoel. Devant les sépultures sarrasines, il ne retrouvait aucune des impressions que lui avait laissées sa soirée à Saqqara. L'immémoriale et sérieuse nécropole de Memphis lui avait parlé d'éternité. Ici, tout était songe d'ombres légères, jeux des génies aériens, roses effeuillées, dentelles déchirées dans un bal de la mort, chez les princes élégants des mille et une nuits. Ces mausolées n'avaient de triste que leur abandon dans le désert et le regret qu'ils donnaient de leur fin prochaine. Des rayons de lune filtraient entre les grandes lézardes, plongeaient dans les plaies béantes des dômes. Sur les carcasses des plus mutilées, on découvrait à peine quelques vestiges des anciennes rosaces. De la face des vieux squelettes, le plâtre était tombé comme un phare. Louis descendit dans le vallon, mit pied à terre devant le premier turbé. Comme le petit fellah l'importunait d'un babil qui voulait être explicatif, il lui intima l'ordre de rester à cette place avec son âne et d'y attendre qu'il vînt les rechercher. Un peu plus loin, deux chameliers dormaient contre un pan de mur de Siti Kawan. Au-delà de ce point, il n'y avait plus trace d'être vivant jusqu'aux coupoles de Sultan Marbouk, la grande mosquée située à l'avant-garde du campement funéraire des Mamelucs. Tournoel alla regarder l'un après l'autre ces édifices harmonieusement dissemblables et dont quelques-uns atteignent la grandeur à force de noblesse dans la fantaisie. À cette heure, ils avaient le langage expressif des monuments qui nous parlent dans l'air immobile de la nuit. Leurs profils s'enlevaient sur le ciel pur, baignés par une clarté si vigoureuse qu'elle portait durement les ombres sur le lit de sable, encore tiède de la chaleur du jour. Par moments, sous les flots de vie que cette nuit d'Égypte épandait sur la prestigieuse vision, Louis ressentait ces défaillances qui accablent le cœur devant trop d'inutiles beautés, inutiles, puisqu'il ne pouvait verser dans un autre cœur l'infini de sensations trop lourdes pour un seul. Il examinait depuis quelques minutes l'enceinte majestueuse de Barbouk. Un bruit léger attira son attention. Il se retourna. Les roues d'une calèche criaient sur le sable. Elle avait quitté la route voiturière qui vient de Bab el Nasser. Elle se dirigeait à travers la plaine vers le mausolée de Kite Bey. Il la vit s'arrêter à la base du minaret. Un saïs s'était assis sur le siège à côté du cocher. Autant qu'on en pouvait juger de loin, il n'y avait qu'une seule personne à l'intérieur de la calèche. Un sentiment de curiosité le ramena dans la direction de Kite Bey. Cette personne était une femme dont il ne distingua que la tête en arrivant derrière la voiture. Le rebord de la capote ne laissait apercevoir qu'un large chapeau de paille où se nouait un voile de gaze. Absorbée sans doute dans la contemplation du minaret, la nocturne promeneuse ne vit ni n'entendit l'approche de l'officier. Il n'était plus qu'à 3 ou 4 pas, lorsqu'un geste de la main qui ramenait sur la nuque les plis du voile le renseigna subitement. Louis reconnut ce geste dont la grâce lui était familière. Il s'arrêta, cloué sur place par la surprise et l'émotion. Le saïs, qui se retournait à cet instant, l'aperçut. Craignant peut-être quelques mauvaises rencontres, l'arabe apostropha cet inconnu immobile. Madame Fianona regarda derrière elle, vit l'homme qu'éclairait en plein la vive clarté de la lune. Son saisissement la fit se dresser dans la voiture. Debout, svelte et rigide, comme la haute fleur de marbre sur laquelle elle se détachait, ses lèvres s'entr'ouvrirent pour cet appel, jeté d'une voix tremblante. « Monsieur de... Louis ?» Il fit les trois pas qui le séparaient de la voiture, salua cérémonieusement. Ils se regardèrent un instant, ils ne trouvaient pas de parole. Elle commença la première, soucieuse d'abord d'expliquer sa présence. Dans ce lieu, seule, à cette heure, elle dit précipitamment, comme si elle allait au-devant d'un reproche ou d'un soupçon. « Je vous surprends. J'ignorais. Rien ne pouvait me faire prévoir. Madame de Lovrain avait commandé une voiture pour notre promenade de ce soir. Elle s'est sentie indisposée après cette étouffante journée de Khamsin. Elle a voulu que je fisse usage de sa voiture. Je suis revenu voir ce lieu qui est si beau la nuit. Notre seuil, c'est très sûr. Nous ne craignons rien sous sa garde. Je suis en effet un peu surpris de vous voir seul, répondit-il froidement. Je vous croyais très occupée, madame, très entourée. Qui expliquera les chemins tortueux que la passion suit dans un cœur? Dans celui du jeune homme, l'émotion poignante de cette minute se changea d'abord en sourde colère, en désir furieux de blesser, de repousser la femme dont la voix lui donnait un frémissement de douloureux plaisir. Millicent eût été incapable de définir les sentiments qui l'assaillaient depuis la veille. Madame de Lovrain lui avait dit négligemment, en revenant des pyramides, que le capitaine, rencontré par hasard, était de retour, de passage au Caire pour quelques heures, très pressé de regagner la France, semblait-il, et qu'il s'était excusé de ne pouvoir venir à l'hôtel. Ainsi confirmée dans tout ce qu'elle pensait, la pauvre dédaignée avait consommé le sacrifice au fond de son âme. Et pourtant, le sachant si près, ses troubles apaisés lui étaient revenus plus violents que jamais. Un invincible pressentiment ne lui avait pas laissé prendre un instant de repos durant cette journée où l'intolérable oppression de l'atmosphère doublait la souffrance de tous ceux qui souffraient. Maintenant, dans la divine splendeur de cette nuit, dans la fantastique beauté de ce paysage fait pour des êtres et des choses sans lien avec la vie réelle, Millicent ne raisonnait plus, ne commandait plus à ses pensées. Elle continuait un rêve où Louis venait d'apparaître naturellement pour la faire mourir de douleur ou pour l'enlever dans les bonheurs du ciel. Elle arrêta sur lui des yeux chargés d'une infinie tristesse. « Alors, vous me jugez toujours avec la même cruauté ? Je ne juge pas. Je suis heureux que l'occasion me soit donnée de vous offrir mes félicitations, madame. Mais d'où vous vient votre folie ? Que vous a-t-on dit ? Parlez ! Je ne vous comprends pas. » fit-il avec un étonnement sincère. « Ne dois-je pas vous féliciter d'un bonheur que m'annoncent depuis hier toutes les personnes que je rencontre ?» Elle se laissa retomber sur les coussins comme s'il y eût poussé toute meurtrie. « Un bonheur, oui, je devine. On a dû vous dire. Je serai très franche. Il y a peu de jours encore, je croyais que cela ne pouvait pas être, ne serait jamais. Maintenant, je ne sais plus. Si c'est le destin, peut-être me laisserai-je faire. On veut que je vive. Ils disent tout ce qu'il faut vivre. Je ferai ce qu'ils voudront. Je vivrai, comme tout le monde, comme tous les morts qui n'ont jamais vécu. Tout m'est indifférent. Quand on n'a plus de pain, plus d'amour, perdu, abandonné, que puis-je devenir ? Cela ou autre chose. Pourquoi m'avez-vous abandonné, Louis ? La vérité de la douleur qu'il entendait gémir dans ces mots eût dû le jeter aux pieds de celle qui les disait. Un mouvement de tout son être l'y précipitait. Il ne le réprima qu'avec un effort violent sur lui-même. Cette fois encore, le démon dont il était possédé depuis si longtemps l'emporta. Le cri d'amour prêt à éclater fut de nouveau refoulé par l'incurable méfiance. Abandonné ? Mais s'il y eut quelqu'un d'abandonné, j'imagine que c'est moi. Suis-je donc parti avec une autre ? Et des paroles sifflantes, comme si elles eussent fait la gageure d'exaspérer cette douceur, des allusions empoisonnées à double entente commencèrent de vomir tout ce qu'il avait sur le cœur. Le départ de France, les voyages sur le Neptune. Il mêlait le vrai, le faux, ce qui avait été, ce qu'il supposait, la traversée réelle, l'imaginaire fuite à deux dans la mer Rouge. Il découvrait jusqu'au fond ses invincibles, ses outrageuses préventions. Quand il en vint à l'histoire de la mer Rouge, elle releva la tête sous les derniers coups de lanière, se pencha vivement vers lui. « Oh non, pas cela, c'est de la folie, c'est du délire, vous ne pouvez pas y croire. Puisque je vous le dis maintenant que c'est de la folie, vous n'y croyez plus. » Il s'inclina poliment avec une ironie mauvaise. Je dois vous croire, madame. D'ailleurs, qu'importe les dates, un peu plus tôt, un peu plus tard, puisque demain. Oui, demain c'est entendu, mais pas alors. Quand vous vouliez encore de moi, quand ma vie vous était donnée. Oh, donnée. Qui donc disait que tout nous séparait? Qui refusait d'unir nos deux médiocres destinées? Ingrat, parce que j'admirais et ne voulais pas briser la vôtre. Ah, pauvres hommes, vous ne comprendrez jamais les joies du sacrifice et ce qu'il y a parfois dans les refus qui vous irritent, du dévouement héroïque à celui qu'on chérit plus que soi-même. Moi, je consens à me reconnaître tous les torts, si vraiment je fus lâche, égoïste, en un temps où je ne savais pas combien j'aimais, où je ne savais pas aimer. Accusez ma prudence, accusez-moi de tout, mais pas de l'affreuse chose, jurez-moi que vous n'y croyez pas. Souffrez que je le répète, madame, après ce que vous m'avez fait l'honneur de me dire tout à l'heure, peu importe les dates. Raidi contre l'émotion qui l'envahissait, ce bourreau de lui-même salua, fit un pas pour se retirer. Comme au premier moment de la rencontre, lorsqu'elle l'avait reconnu, Millicent se dressa debout dans la voiture. Après un instant d'hésitation, montrant le saïs et le cocher, « Voulez-vous dire à ces hommes de m'attendre ici ?»« D'eux aussi, je me fais difficilement comprendre. Ils n'entendent pas un mot de nos langues. » Elle descendit, lui fit un signe de la suivre, marcha dans les débris du mur ruiné jusqu'à l'angle de la mosquée, passa du côté où la façade principale projetait sur le sol une barre d'ombre. Là, elle se retourna, elle l'attendit en fixant sur lui un regard singulier. « Encore une fois, au nom du ciel, dites-moi que vous ne persistez pas dans votre odieux soupçon !» Le visage de Tournoel garda son expression de défense polie, obstinée. Millicent se prit le front, des deux mains jointes qu'elle tordait dans un geste de désespoir. « Mais pourquoi, pourquoi, que faut-il donc faire pour qu'il me croie ?» Une lueur soudaine passa dans les prunelles dilatées. Elle fit un pas en avant, et ses yeux dans les yeux de son persécuteur, lèvre contre lèvre, d'une voix de folle sérieuse, elle lui cria. « Louis, me croyez-vous celle qui appartiendrait à deux hommes ? Répondez, cela le croyez-vous ? » « Cela non, » dit-il avec un accent de ferme conviction. « Alors, puisqu'il le faut pour être cru, Louis, prenez-moi et croyez-moi. » Secouée tout entière par un sanglot convulsif, elle s'abattit dans les bras qui s'ouvrirent pour la recevoir. Il la releva bientôt, se laissa tomber sur les genoux, courba la tête. Ses lèvres allèrent chercher les petits pieds qui marquaient à peine leur empreinte dans le sable. Et ce fut lui, cette fois, qui joignit en se redressant deux mains désespérées, tandis que sa bouche murmurait, avec un râle étouffé dans les plis de la robe. « Pardon, pardon. » À la même place où les paroles de défi répondaient, l'instant d'avant aux paroles d'angoisse, dans cette même lumière limpide qui avait éclairé un visage hostile et un visage en pleurs, deux voix accordées au même diapason de tendresse échangeaient des mots enivrés, mourant dans les longs baisers des bouches unies. « Non, Louis, ne dites plus, pardon, comme vous, plus que vous peut-être, j'aurais été méchante si j'avais pu croire que vous me délaissiez pour une autre. » « Puis-je vous en vouloir, d'une injure où il y avait tant d'amour ?»« Merci, ma bien-aimée. Mais comment n'avez-vous pas deviné tout ce qu'il y avait d'amour, tout ce que j'en mettais malgré moi dans cette lettre que je vous écrivais de chez les morts ?»« De chez les mauvais. Voici les bons morts. » Elle montrait les tombeaux des califes. « Les morts qui ont fait ressusciter en nous ce que les autres voulaient étouffer. » »« Millicent, restons avec eux. Il n'y a plus de monde. » Il y a le désert que notre amour remplit, et autour de nous la mort qu'il défie. Ne sentez-vous pas descendre sur l'univers la vie que notre amour crée dans les profondeurs lumineuses de ce beau ciel ? Longtemps, dans la nuit auguste, les deux voix alternèrent les hymnes de l'extase, les soupirs de félicité qu'elle entend et confond, l'indifférente nuit, avec les cris de douleur qui montent vers son trône noir au même moment, de la même force, les uns contrepesant les autres dans les balances de quelque obscure justice. Le hennissement d'un cheval vint rappeler aux deux amants l'existence du monde. Ce bruit les fit souvenir du grand ennemi de l'amour, le temps, qu'aucun baiser n'arrête. « Est-ce qu'il est bien tard, Louis ? Hélas, pourquoi faut-il que cette nuit finisse ? Qu'importe, le soleil de demain se lèvera si beau. La lune descend déjà derrière le minaret de Kite Bay. Peut-être devrions-nous partir. J'y consens, à la condition que vous me ramènerez au Caire. J'allais vous le demander. Tournoel siffla son petit ânier, lui jeta quelques piastres, monta dans la calèche de Madame Fianona. À plusieurs reprises, ils se retournèrent, ne pouvant se résoudre à quitter des yeux la mosquée de Kite Bay. Les coupoles bleuissantes, sous la clarté liquide, toute la ville fait des tombeaux où leur cœur venait de renaître. Comme Millicent regardait encore une fois derrière elle, sa main saisit en tremblant celle de Louis. Un pli de terrain avait brusquement caché les aiguilles et les dômes. Elle fixa sur son compagnon des yeux de folle inquiétude. Elle dit, avec une terreur qui n'était pas feinte, « Ils ne sont plus. Ils n'ont jamais existé. Vous verrez que nous ne les retrouverons plus dans ce désert. Ce n'était qu'un rêve, trop beau, évanoui. Et vous en étiez, mon bien-aimé. Vous allez disparaître avec eux. Oh, dites que vous êtes encore là !» Il l'attira plus près de lui. Leurs mains s'enlacèrent. Leurs paroles se firent plus rares. Leurs yeux se communiquaient la beauté des visions surprises dans l'espace, échangeaient la lumière dont ils allaient s'emplir sur tous les points de l'horizon où elle était plus sensible. Taches claires des grands îlots de sable, bouquets de palmes luisantes au bord de la route, brillants tronçons du fleuve aperçus loin comme les éclats d'un miroir brisé. « Déjà, » soupira-t-elle, quand se dressèrent devant eux les tours de la lourde porte Baben Nasser. La voiture s'engagea dans les rues de la ville, presque déserte à cette heure. « Vous direz à ces gens où ils doivent vous arrêter, » fit-elle tristement. Louis jeta au cocher le nom de son hôtellerie. C'était deux pas du Shepherd. « Je pensais hier que c'était beaucoup trop près, » ajouta-t-il en souriant. « Punissez-moi pour ce blasphème. » « Hier, dit-elle, et ce matin, j'ai vainement essayé de me procurer votre adresse. Si je l'avais su, rien ne m'eût empêché d'aller vous trouver. » Il se pencha vers elle, en murmurant très bas des mots suppliants. Millicent laissa tomber sa tête sur l'épaule du jeune homme. Elle se masqua le visage de ses deux mains réunies. Ainsi cachée et les yeux clos, elle écoutait. Les mots qu'il disait entraient dans le rêve commencé au tombeau des califes et qui n'avait pas cessé pour elle. Tout ce qui prenait corps dans ce rêve, en dehors duquel le monde n'existait plus, avait le droit d'être, ne pouvait point ne pas être. La voiture s'arrêta devant la maison qu'il avait indiquée. Il se leva, dit en arabe quelques mots au saïs et au cocher, sauta sur le trottoir, tendit les mains à Millicent. « Que leur disiez-vous » demanda-t-elle. « Qu'ils pouvaient rentrer, que vous n'avez plus besoin d'eux, que je vous raccompagne à l'hôtel, ici près. » Elle se retourna. Elle jeta sur la rue qui conduit à l'hôtel Shepherd le long regard du voyageur lorsqu'il contemple pour la dernière fois le pays où il séjourna, les choses dont il vécut et qu'il va quitter pour toujours. Ses yeux se reportèrent sur l'homme qui lui prenait les mains, mais à cette minute, il regardait au-dessus, au-delà, fugitif comme autrefois, quand il semblait toujours parti à la recherche de régions inconnues. Son visage avait l'expression candide et crédule qu'ont ceux des petits-enfants, au moment où on leur ouvre le livre des beaux contes merveilleux. De son lent mouvement de grâce aisée, il descendit de la calèche, s'appuya sur le bras de Tournoel, franchit avec lui le seuil de la porte qu'il ouvrait devant elle.